cette année-là. Dans quel été j'étais, dans quel état, un slow passait, un titre anglais, ce qu'il disait, nous ne le comprenions pas, c'était une voix sur un piano, un bord de caisse pour le tempo, une chanson tendre qu'on aime entendre, qui sait, 100 fois par jour, naturellement, chanson d'amour, chanson qui rime, évidemment, mais qui ne dit rien d'important. C'est pas du Brahms qu'Humphrey Bogart prit le cafard et clame à Sam. C'est une chanson sans importance qui n'a sens que tard le soir. C'est pas du Brahms qu'on a dansé la première fois qu'on s'est trouvé. C'est une histoire vieille comme le monde, comme elle se ferait teindre en blonde et qu'on n'a jamais oublié. C'est pas du Brahms qu'on l'a voulu la première nuit qu'on s'est connu. C'est une chanson très inférieure de celle qui marque en profondeur, de celle qu'on n'oublie jamais plus. Comme Frère Bogart prit le cafard et clame à Sam. Juste une chanson sans conséquence qui prend un sens que tard le soir. C'est pas du Brahms qu'on a chanté la nuit où tu n'es pas rentré. C'est une histoire vieille comme le monde qui nous suit jusqu'au bout du monde. Une chanson tendre qu'on aime entendre, qui sait, 100 fois par jour, naturellement, chanson d'amour. Joie de wampiri, joie de wampiri, joie de wampiri, joie de wampiri. Joie de wampiri, joie de wampiri.